8. Les moteurs le Rhône utilisés pendant la Première Guerre mondiale. 3 maquettes d'avions sont exposées dans la galerie, un avion français, un anglais et un allemand, triplan rouge, que pilotait le fameux as de la guerre allemand von Richthofen, alias le Baron Rouge. Ces trois avions sont équipés du même moteur rotatif le Rhône 9B. Le Baron Rouge préfère utiliser les moteurs fabriqués en France à ceux qu'il reçoit de Suède. Les moteurs français ou anglais sont en effet mieux ajustés, et donc plus performants. Quand un avion français ou anglais tombe dans les lignes allemandes, les mécaniciens en récupèrent le moteur pour le Baron Rouge. De plus, les Allemands vidangent systématiquement les avions alliés pour récupérer l'huile de ricin, dont ils ne maîtrisent pas la production industrielle.